J'ai couru prendre le premier bus ce matin, à 5h, impatiente de retourner dans le mouvement. Ce voyage commençait il y a 15 jours déjà, depuis la Bolivie jusqu'à l'Équateur. Ici, la ville est encore sombre, égarée dans les mauves. Le bus gémit, suffoque à chaque virage, tandis que le soleil grimpe au revers des montagnes, que le ciel s'éclaircit. Deux aveugles descendent à l'arrêt du cimetière. Ils vont vendre leurs prières assis sur un carton. Il y a les chiens qui dorment dans le fond des fossés et ceux du bord de route, retournés, les tripes à l'air où viennent piquer les oiseaux. Des pendus de chiffon balancent sous les réverbères avec une pancarte sur la poitrine. Ladrón, voleur. Le soleil apparaît en même temps que l'on arrive sur le plateau, banlieue de l'Alto. Une lumière effrénée qui fait miroiter les poussières, réveil d'ultime couleur au tissu élimé du mendiant. À chaque carrefour, j'aperçois au fond des rues la tête haute des glaciers. Les maisons s'espacent, premier terrain vague, bergère, lama. Ici, je suis venu me perdre. Ne laissez de moi qu'un reflet au carreau. L'air est plus rare dans cette contrée sans arbres. À en croire les légendes, les Andes sont ce long corridor emprunté par les morts vers le ventre des volcans où est leur paradis. Un pays de purgatoire où les ombres cheminent à côté des vivants. Le temps est doux, la Toussaint approche. Je roule vers le lac Titicaca. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Hans Sibrand. Épisode 2. Mangé par le Titicaca. Car nous nettoyons aussi les couronnes, les molaires. Et il est fortement conseillé aussi de se gratter les fonds de la langue, surtout le lendemain de fête. Mesdames et messieurs, combien de fois vous avez été confrontés à la difficulté relationnelle. Pour rattraper le voyage, lancez à ses trousses un fin chemin de mots. Un carnet ouvert sur les genoux, griffonner au hasard tout ce qui se montre matin du 20 octobre, sans autre souci que copier un peu de cette musique qui s'oublie, si tout jouée. La paysanne aux nattes grises et son panier de poules, linge multicolore des châles et des jupons qui sèchent sur le rocher, 10 croix au bord de la route. Un bus entier accidenté certainement. La rivière plus haute que la berge, bombée comme un cristallin. Le mendiant qui ne joue toujours que 3 notes sur sa flûte, mais c'est beau. Je m'amuse aussi parfois à attraper les mots de bord de route pour un de ces dictionnaires improvisés du voyage. Chaperilla. Evo si. Yampara gobernador por la paz. En este barrio se violan mujeres. Se venda lote. Paseña es cerveza. San Pedro. Llantería se carga baterías. No bebas, no corras, no mueras. Abonos. Iglesia del Nazareno. Familia Quiroga Quispe. Pochota. Bienvenidos a la Villa Remedios. Et même s'il ne vous reste que deux ou trois dents, dites-vous bien que c'est toujours utile. Un petit mouvement circulaire fait avec le poignet. Les bus sont des villes ambulantes, disposant d'un théâtre, d'un temple, lorsque les évangélistes viennent y faire leur sermon, de restaurants pour ces caldos de pollo ou ces empanadas vendus sur l'allée centrale entre 2 arrêts, et même d'un cinéma, si l'écran de télévision fonctionne. Ce matin, nous sommes dans la salle d'attente d'un dentiste. Ne jamais mettre la main à la bouche, car la bactérie, une fois entrée, creuse la cavité. Vous voyez là ? Nous sommes tous un peu effrayés par les croquis qu'il nous montre, ces molaires géantes forées par des monstres repoussants. Il a l'air d'un spécialiste avec son costume sombre, ses souliers cirés. Et je crois qu'on est tous déçus quand il exhibe fièrement des brosses à dents qu'il vend par 3 sous emballage plastique. Pour 10 petits bolivianos seulement. Mais le bus est surtout prétexte à ces amitiés de voisinage qui se nouent le temps d'un trajet. On y échange toutes sortes de vérités, de rumeurs, de légendes. Ainsi, j'ai appris que le temple de Tiwanaku n'a coûté aucun effort à ceux qui l'ont construit. Car les Incas avaient dressé les pierres. Elles les suivaient comme des moutons. Il suffisait qu'ils leur disent « Toi, la grosse pierre, mets-toi là. Ou toi, la petite, grimpe dessus. » Et les pierres leur obéissent. Une paysanne m'a aussi révélé que... La vaccination, ça sert à nous voler la graisse. Ils l'envoient dans les usines du Nord pour remplir les tubes de crème que les gringos mettent sur leurs joues. C'est pour ça que leurs femmes vieillissent moins vite que les nôtres. Bien sûr, il y a aussi des discussions politiques. On parle de nos vies, de l'âge de nos enfants. Mais j'ai une prédilection pour ces récits qui imbriquent si étroitement le conte au réel. Comme cette histoire de tête volante. Un homme revenait la semaine dernière du Pérou avec ses mules, quand les bêtes soudain ne veulent plus avancer. C'était une tête de femme avec deux tresses longues qui traversaient la route. Le plus surprenant, c'est que celui qui me raconte cela est professeur de physique au lycée de Copacabana. Alors la tête, voilà qu'elle monte plus haut. Et les deux nattes qui s'accrochent dans les branches d'un arbre. Qui criait la tête, essayant de se décrocher. On croise souvent des têtes volantes par ici. C'est quand quelqu'un va mourir. Il a des parties de son corps qui se détachent. Il se promène sans qu'il les sache pendant la nuit. Mais comment fait la tête pour venir après se recoller sur le corps? Ah ben ça maintenant, avec la science, c'est quelque chose que l'on peut facilement expliquer. Vous voyez les aimants? Eh bien les têtes, elles se recollent sur les épaules exactement comme des aimants. Il y a ce temps en quechua, qui n'existe nulle part ailleurs, et que César, mon professeur, appelle le temps de l'invisible. C'est un petit suffixe, skra, un cliquetis discret qui vient sonner dans le verbe chaque fois que l'on passe la frontière du réel. Le temps du rêve, de l'ivresse, des hallucinations. À quel temps raconter mon voyage? Comment faire entendre parfois ce cliquetis de l'impalpable? Kuka kintu chai hoja redonda. Kanchu ya changi no kabidaita, zunapa wasimpi wakanayaita. Kanchu ya changi no kabidaita, zunapa yahtampi wakanayaita. Je n'ai pas parlé encore de cette joue gonflée, ce goût de sève forte qui accompagne d'une saveur légèrement amère, mais traversée de l'altiplano. Les chics de coca. Cette plante sacrée que chacun emporte avec lui en voyage, pour l'aider à supporter l'effort, apaiser l'essoufflement. On a tous la main dans le sachet de coca. Des feuilles d'un vert intense, glissées entre les lèvres, la queue coupée entre deux dents, puis poussées par la langue au recoin de la joue où la feuille va s'attendrir, lâcher cette sève un peu âpre et qui mettra le corps dans ce léger suspens. Ma petite offrande de coca, petite feuille ronde, et toi, qui sais-tu ? De ma vie, dans la maison des autres hommes, comme je n'ai fait que pleurer. Et toi, que sais-tu de ma vie, dans les villages des autres hommes, et comme je n'ai fait que pleurer. Derrière la vitre, c'est devenu immense, avec cette succession de pluies, d'arc-en-ciel et de gros nuages mauves. Comme si le ciel de l'altiplano offrait à chaque instant une panoplie de lumière qu'il ne saurait donner ailleurs qu'en l'espace d'une journée. Ici, ici, s'il vous plaît. C'est ici que je descends. Je suis descendue à la va-vite sans y penser. Dehors, c'était devenu tellement beau. Je voulais m'y tremper un moment. C'est ainsi que l'on se retrouve au milieu de nulle part à 5h30 de l'après-midi. Je m'assois sur un rocher, dans cette odeur de résine, d'aromates, quelque chose de méditerranéen qu'un vent glacé vient éteindre par moments. Et partout ces gestes millénaires, murets dressés, canaux d'irrigation, avec ces lopins où le blé naissant laisse flotter comme une buée de sève. La lumière change. Ce n'est plus cette beauté surnaturelle qui m'a fait sauter en marche, mais la lueur rasante d'un soleil de crépuscule. Et cette grande incertitude quant à l'endroit où je vais passer la nuit maintenant. Évidemment, il pleut. Hola! Eh oh! Hola! Des paysans marchent devant moi. Hola, j'essaie de les rattraper. Un homme se retourne enfin. Il a le teint cuivré, le blanc des yeux mêlé de sépia, un bonnet planté haut sur la tête. Il prend chacune de mes réponses, va la porter en courant au reste de la famille, revient courant toujours avec une nouvelle question. Il s'appelle Isidro. Quand il me demande pourquoi je suis descendue ici, dans cet endroit perdu, je n'ose lui dire la vérité. Mon gilet fume sous la pluie. Je sais maintenant qu'il n'y a plus de bus avant demain matin. La nuit tombe. Nous sommes d'accord. Tu dormiras dans la maison des Martha. Oh, merci. J'ai un sac de couchage. Ah oui, parce qu'il fait très froid la nuit. On te passera des couvertures. Après que je leur ai expliqué que mon mari me laissait partir pour écrire des livres, que c'était lui qui gardait notre fils pendant ce temps, après qu'ils ont compris qu'écrire des livres était un travail, Martha a dit simplement... C'est vrai que maintenant, pour gagner de quoi manger, il faut partir loin des maisons. Mes enfants, ils sont tous à la ville. Et j'ai senti alors que la famille s'entrouvrait pour me faire une petite place dans sa tiédeur. Une vague de bonheur m'a inondée, aussi intense que ce qui m'avait fait descendre du bus tout à l'heure. Il fait sombre, mais la neige du glacier éclaire le sentier. L'odeur des fumées vient à notre rencontre avant les premières maisons. Les lamas se dressent derrière les enclos. Puis c'est le tour des hommes. Les portes s'ouvrent, les enfants s'approchent. Je suis à Sampaya. L'hospitalité aymara est attentive et discrète. Ils parlent entre eux comme si je n'étais pas là, mais tout en veillant sur moi, je le sens. J'ai bu une chicha délicieuse, mais un peu fermentée. Du coup, j'ai un léger vertige. L'altitude et l'alcool ne font pas bon ménage, je préfère refuser les autres verres que l'on me tend. Ils sont 6 adultes et 5 enfants dans une petite maison qui tient lieu de cuisine, de salle à manger, de parc à cochons d'Inde et où je vais dormir bientôt. Il n'y a pas d'électricité. Une mèche trempée dans une bouteille, des bougies sur les étagères. Pas de conduit de cheminée non plus. À notre arrivée, la fumée me coupait le cou. Maintenant, elle fait un ciel nuageux sous le toit. Des herbes médicinales sont suspendues sous les poutres, par bouquets. Un peigne édenté coincé dans un fragment de miroir et une toute petite fenêtre, un carreau mal jointoyé qui respire avec le vent. Sous la cheminée, blottis les uns contre les autres sur un peu de paille parmi des rognures de tubercules, les cochons d'Inde, paisibles pour l'instant. Parlez aussi de la vapeur des corps. Une odeur rencontrée dans le bus aussi, odeur d'un cuir tanné avec un mélange de sueur, de fumée, qui délimite chaque corps dans une présence animale, quelque chose d'incroyablement vivant. Il parle en aymara, parfois en espagnol. José, un voisin, doit faire un voyage et je comprends qu'il s'interroge. Martha étale un tissu sur le sol devant elle, puis prend une poignée de coca qu'elle disperse par saccade, dans un va-et-vient du poignet qui trace comme un chemin de feuilles. Le récit du prochain voyage. 3 feuilles qui se suivent, il s'arrive. Une feuille bien nette. Tu vois là, au-dessus d'un tas, le lama égaré n'est pas mort. Le lendemain, avant mon départ, Martha jettera pour moi aussi les feuilles de coca, en m'expliquant comment y lire quelques signes. Si la feuille est à demi cachée, c'est que la bête a été volée. 2 feuilles face à face. Une dispute. Elle sait voir aussi les couples, les amants, les maladies. Je sens que tout est important. La forme des feuilles, la façon dont elles sont tombées. Puis je remarque soudain qu'elle n'a rien dit pour moi. Are you traveling too with Andes and Dreams? Il a raté le bateau à Copacabana en achetant des cartes postales. Il rejoint le reste du groupe qui l'attend dans un hôtel de l'île du Soleil. I'm from Denver. I deal in second hand. Sales have been good. I've been offered this trip and I'm taking my wife in tow. Like a trailer. Le lac Titicaca est gris, brumeux. Une mer perchée si haut que les îles ont l'air de montagnes englouties. Des sommets de roches rouges. Je suis encore à Sampaya. Le voyage est souvent ce va-et-vient entre expérience et rumination. Le temps a été trop court pour ces sensations comprimées et qui demandent à se déployer dans le souvenir maintenant. J'ai peu dormi. À peine la bougie soufflée, les cochons d'Inde se sont mis à trotter partout. Quelques-uns se sont même risqués à l'intérieur de mon sac de couchage. 2 ou 3 fois, je me suis levée pour écouter dormir le village, regarder le titicaca, laiteux comme un chaudron de sorcière. Écouter les premiers gestes bien avant le matin, les femmes levées déjà, les mortiers, le chant d'une bergère. Tout à l'heure, en quittant Isidro, je lui ai avoué ce qui m'avait fait descendre du bus hier. La beauté du paysage, de la lumière. C'est ce que tu crois, hein? Moi, je pense que c'est notre apou, le seigneur de notre montagne, qui t'a invité chez lui pour la nuit. Il sait se rendre très attirant. Allez, vamos, vamos. Bueno. Le pêcheur est formel. Mon hôtel, la Posada del Inca, est situé vers le nord de l'île. Du coup, il exige un supplément. Mais le temps a tourné dès la sortie du port. Une houle d'un vert sombre, presque noir. Hé ! On dirait que la tempête arrive. Je vois bien qu'il fait mine de ne pas m'entendre, mais tout en arrimant solidement ses bidons. En quelques minutes, je suis trempée. De grosses vagues couvrent l'avant de la barque. Vous avez vu ? Il n'y a plus que nous sur le lac. Tous les bateaux sont rentrés. C'est parce qu'ils sont peur de la tempête. Je crois qu'ils ont raison. C'est dangereux. On fera mieux de faire demi-tour, nous aussi. Le moteur a calé. Eh oh ! Vous m'entendez ? La barque se retrouve en travers d'une houle qui la cogne brutalement, arrache les portes des placards, projette la vaisselle, des bidons et des outils qui vont briser une vitre à l'avant. Mes bagages baignent dans l'eau parmi les paquets de pâtes, les farines éventrées. Autour de nous, les lames sont si hautes que je n'ose les regarder, de peur de voir la crête s'abaisser et la vague déferler sur nous. Bon, alors ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Vous voyez bien que la barque se remplit ? Répondez-moi, bon sang ! Si le lac donne manger, alors le lac vous mangera. Et la marmonnaise entre ses dents sans un regard pour moi. Son fatalisme réveille en moi une révolte. Le lac vous mangera peut-être, mais moi il ne me mangera pas. J'ai dit ça comme une bravade, mais ça réveille un courage. Je ramasse un bidon vide, le coince entre mes jambes pour m'en faire une bouée, et j'enroule mon bras à la corde. J'ai aussi ôté ma veste trop lourde si l'on chavire. La vérité, c'est que je me sens seule. Il a beau tenir le gouvernail à 2 mètres de moi, il n'a pas un égard chaque fois que je balance, me cogne, manque de tomber par-dessus bord. Même au cœur de cette tempête, il n'y a rien qui nous relie. Alors je me parle, m'encourage. Repérer la côte de l'île, ne pas la quitter des yeux, et ne penser surtout à rien d'autre qu'à m'agripper à cette corde, à chaque vague, chaque à-coup. Ne surtout pas penser au mien. Le lac ne nous a pas mangés, mais la barque était tellement abîmée que le pêcheur n'a pas pu repartir. Il l'a amarrée sur un ponton avant de disparaître à pied dans la nuit, je ne sais où, et sans même penser à me réclamer l'argent d'ailleurs. Il y a bien une Posada del Inca dans l'anse de Tchala, mais elle n'a jamais été terminée. Quelques murs à peine ébauchés, sans porte ni fenêtre, plantés au bord du lac. Je suis arrivée à ce moment du voyage où les ponts sont coupés derrière moi, qui m'auraient permis de rentrer au terrier vers quelque chose de connu. Désormais, c'est le hasard qui décide. Un seigneur des montagnes me fait descendre du bus. Un lac manque de me manger pour me jeter ensuite sur cette crique isolée. Où quelqu'un m'attendait pourtant. On vous a vu arriver dans la tempête avec ma femme. Vous êtes trempée. Laissez-moi vous aider. Merci. Il m'allume un feu de racines, m'apporte une soupe. Il s'appelle Roger. Ce lac est vivant. Quand il a des colères, il vaut mieux ne pas y aller. Parce qu'il y a une ville dessous, tout au fond. Parfois, la nuit, en se penchant sur le lac, on voit briller les lumières dans les maisons, les rues. C'est là qu'habitent tous les noyés. Il y en a tant. La ville est grande comme la passe, certainement. Vers le milieu de la nuit, je suis réveillée par une fièvre si forte que j'arrive à peine à m'asseoir. Et déjà les premières nausées. Je pars dans le noir en rampant. Roger est reparti depuis longtemps. Je suis seule sur cette plage. Il fait très froid. Mon sac de couchage est trempé. À peine il commence à tiédir que les nausées reprennent et je dois ressortir toutes les 10 minutes environ. Je n'ai plus d'eau. Avec l'altitude, les effets de la déshydratation s'amplifient et je sens mes lèvres craquer avec parfois le goût du sang. Je ne sais pas encore que c'est grave, une salmonellose avec une typhoïde et qu'il me reste peu de temps pour trouver un médecin. Et c'est cela qui me sauve, car je ne m'en fais pas. Assise au bord de l'eau, 3 pulls enfilés l'un sur l'autre, je profite des accalmies pour somnoler. J'habite maintenant les intervalles entre les accès de fièvre et les vomissements. Je m'y refais des forces. À suivre le fil de la nuit, ces étoiles immenses, la lune qui sort derrière les glaciers, j'ai l'impression d'entendre respirer le lac, calmé à présent. C'est alors que je fais ce rêve. Petite comme une mouche, je suis devant un lézard immense qui me lorgne avec gourmandise. J'ai quelque chose à lui dire de très important, mais je sais qu'il va tenter de me gober. Chaque fois que je commence à parler, le lézard déroule sa langue pour m'attraper et je dois sauter de côté. Soudain, la colère me déborde. « Tu vas m'écouter maintenant !» Je lui donne des coups de pied. « Je suis désolée, ce n'est pas ma faute, » dit le lézard. Enfin, je finis par me faire entendre. Plus tard, quand je raconterai ce rêve à Roger, il me dira... Ton rêve, c'est ta lutte contre la maladie. Le lézard, c'est ta mort. Et je me souviens encore avoir vu le soleil surgir derrière les montagnes. Ce moment avant l'aube où le lac disparaît. Quand il n'y a plus d'eau, plus qu'un vide sans fond, sans couleur... sans miroir. Puis une petite fille est venue qui m'a trouvée à demi inconsciente sur la plage. Maman, amouille, amouille, maman. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Deuxième épisode. Avec Chloé Réjon, Carlos Donoso, Haka Mare, Luna Moana, Monica Ledesma, Geoffrey Carey, Julio Arguedas, Manuel Ulloa Colonia, Luzmila Carpio, David Durán Camacho, Marisa Rubio, Emiliano Suárez. Chanson originale de Luzmila Carpio. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy et Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Arnaud Chapat. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Laure Goroff. Remerciements à Jean-Philippe Navarre, Benjamin Chauvin et Jean-Marc Lotel. Yeah. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.